Attendez, nous y entrons. On y est là, on est entrés. Tout à coup, mes guides décident d'entrer dans la cité de la Castellane, la plus redoutée de tout Marseille. Ils crient là-haut. Ce mec là, avec la chemise blanche, il nous regarde en criant. Ça devient intéressant. Attends, je vais m'enculer. On sort d'ici ou pas? C'est un cul-de-sac. Un cul-de-sac. 13-06. Néné à la prod. Tu vois des gens qui partent, tout leur matin de façon culée. C'est sur un GPJ les rats que j'ai appris à tuer. L'école du crime, le jour de paix, je suis une abeille qui fait du miel. Donc je comprends pourquoi tous les parasites sont venus m'entourer. Avec ma daronne et mon fiston pour me donner le sourire. Qu'une chance en tête péter le million d'euros avant de mourir. J'ai vu des grands, m'a fait des petits, j'ai vu des petits, m'a fait des grands. J'ai vu des femmes donner le con juste après t'avoir séduit. Vu que le quartier est sous flair, on sert les clients cagoulés. On ravitaille le charbonneur, les clients font que s'agiter. La Castellane c'est réputée pour le shit et pour la scène. Et 11 guetteurs sont cagoulés. La sécu prêt à je me prends plus trop la tête maintenant, j'écris ce que je vois et je le détaille un peu comme une plaquette et je revends le morceau pour faire les sous. Tu changes d'humeur devant les femmes, je te vois rappeler, c'est tous tes points. T'as jamais fait de monnaie et tu te fais passer pour une voyou. J'ai une paire de lunettes, ouais. Que de la frappe, que de la bande fumée, ouais. Que je fume, j'ai les lèvres violettes, ouais. Ah non, je ne pense pas net. Que de la frappe, c'est la Castellane. Que les fous à la Castellane. Viens toucher à la Castellane. C'est la frappe, c'est la Castellane. J'entends des échos sur mon tête, je suis sur écoute. Ça fait 3 paillets SFR que j'ai en route. Y'a les civils qui tournent en boucle et mon poteau qui perd la poule. Mais j'ai pas le temps de calmer, je vais chercher les sous.